comme un cirque. Trop débutants, speak up on the stage, don't pick a beat, rock. Y'a encore un couche de mic, moi ça mouille tête leur sauce. Sur ce mouille, sans ta taille, tight baby, tight baby. Watch out, parental advisory, explicit chucky. Vous voilà avertis, vous m'en sens si frais qu'un ice pack. Se réchauffer, drink ou blackjack, chin chin. Pourtant et pour ta l'insouciance des victimes de l'adoption du rap. Il a pas à concevoir qu'on commence pas tous au même moment. Ok, on le sait, on est débutants. C'est correct, en autant ma casquette, fixement là tout temps. What the fuck about the class? Fuck tout rapide, donc pique ta fin quand t'es mort. Où tu vas prendre de drop? Pour vous, le stage est encore là. Puis nous, on en prend de la graine avec notre couloir. HG, double LT, en passant dans ce big up. Everybody, y'a rien perdu, la preuve, c'est qu'on a survécu à notre vécu. Peu importe, puisque dans la page, mentir tant big, mal, vainqueur. Hey yo, les boys, restez seuls, hein. Pour avancer, faut manger ses couches de pain. C'est pas avec la frustration que j'avais à court terme de vos pulsations. La la la la la la la. Le hip hop me donne des couilles, fuck la castration. Les boys de l'aise-majesté agissent avec passion. Fuck les gens qui sortent la taille. Lui qui oublie le soldat, la première mission. Abracadabra, bava bava. Le yé-yé, tenais ma formule pour t'endoctriner. Restarter ton computer mental à zéro. Comme la fuck apprend à marcher, you know. Dans ta tête, ta tête, t'es cassé d'avant grand tête. Toujours vouloir de l'épiquer sport. T'en reste un si tu vois fessier. Mais en ce moment, ma sion, c'est endormi. Vous rappelez que le rap est sacré, match de le fils de Wolvier. C'est sans dispute. Il y a peu de chance, partage du peu. Sinon, c'est paf, paf, big, badaboum. On the fucking stage. Méga, méga, bravo. On parlera pas de jamais avec une certaine rage. Dégâts, dégâts, assurez les gars. Bah, ça serait dommage, du mot, qu'on en finisse là. Hey yo, les boys, restez seuls, hein. Pour avancer, faut manger ses couilles de pain. C'est toi avec la frustration que j'avais à court terme de vos pulsations. La la la la la la la. Le hip hop me donne des couilles, faut ta castration. Les boys de l'aise-majesté agissent avec passion. Faut que les gens sortent la taille. Lui qui oublie le soldat, la première mission. Hey yo, les boys, restez seuls, hein. Pour avancer, faut manger ses couilles de pain. C'est toi avec la frustration que j'avais à court terme de vos pulsations. La la la la la la la. Le hip hop me donne des couilles, faut ta castration. Les boys de l'aise-majesté agissent avec passion. Faut que les gens sortent la taille. Lui qui oublie le soldat, la première mission.